ti ta di la da ti ta di lam ta di la da ti ti ta di la da ti lam ti ta di la da ti ta di lam ta di la da ti la da ti ta di lam ti ta di la da ti ta di lam ta di la da ti ti ta di la da ti lam ti ta di la da ti ta di lam ta di la da ti la da ti ta di lam. Ma vous présentez mon garçon, il s'appelle John Junior. Y'en a qui disent qu'il est mort, on sait juste un vrai corps mort. Y'a fait sa thèse de doctorat, assis devant la TV. Un toit pis la bouffe sur mon bras, j'commence à étaner. À ce faudrait, tu te lèves le cul, ton vieux s'est foiré. Donne-moi ma manette, j'en peux plus, c'est moi qui l'ai payé. Et tu t'en donnes un droit qui sont ma propriété. Tu veux pas savoir c'est acquis avant de tout scraper. La fille est coulée pour sortir, c'est le king du sous-sol. Les filles s'alignent et font la file, sa mère à venir folle. T'as poussé comme la mauvaise à coucher sous mon divan. Tu sais, j'te mets mon rinster, tu peux sacrer ton cœur. Les créatures qui ramènent la maison, on dirait que c'est dans sa nature d'attraper les pigeons. Bon, il dit papa, c'est pas de ma faute, les femmes aiment les voyous. Si c'est pas moi, ça sera un ange, commence à être jaloux. À 35 ans, c'est peut-être le temps qui porte un peu raison. Il a étudié assez longtemps les raccoins de la maison. Bon, pour des parents, c'est pas facile de le mettre en bas du nid. C'est plus facile l'après-midi quand il est bien dans son lit. La vie est coulée pour son chill, c'est le king du sous-sol. Les filles s'alignent et font la file, sa mère avant de venir folle. T'as poussé comme la mauvaise à coucher sur mon divan. Tu sais, je te mets mon gangster, tu peux sacrer ton cœur. C'est le king du sous-sol. Les filles s'alignent et font la file. Sa mère avant de venir folle. T'as poussé comme la mauvaise à coucher sur mon divan. Tu sais, je te mets mon instinct. Tu peux sacrer ton cœur.